Chapitre 9e. Après 8 jours de gelée, le vent avait soufflé du sud dans la nuit et le dégel était venu. L'humidité suintait le long des branches nues et noires. Le pied enfonçait dans le sol spongieux. L'air était mou. De gros nuages lourds pendaient sur les bois, laissant voir çà et là des trouées de ciel bleu. Et bien qu'on ne fût encore qu'à la fin de janvier, il faisait presque chaud au soleil. Paul Lamourandière n'était pas allé à la chasse. Les jambes guêtrées, les mains dans les poches, un peu amollies par ses fausses apparences de printemps, ils flânaient par les prés où des pâquerettes précoces montraient leurs boutons roses dans le gazon. Arrivé près de la chaussée de l'étang, il aperçut Brindelet qui pâturait au bord du talus sous la garde d'Aimé. Tête nue, les cheveux moutonnant tout autour de la tête, le dos appuyé contre les traverses de l'ancienne écluse, la jeune fille était occupée à tresser des brindilles d'osier. « Sapristi !» murmura Lamourandière. « Moi qui cherchais un motif de plein air, en voilà un tout trouvé. Quelle tournure vous a cette fillette avec son teint mat et ses cheveux noirs crêpelés ?»« C'est la Salomé de Regnault en cotillon de paysanne, tout bêtement. »« Hola, petite » cria-t-il en tirant son album de sa poche. « Tiens-toi tranquille près de ta vache. Je vais vous faire votre portrait à toutes deux. Attention, ne bougeons plus. » Aimé n'avait garde de bouger. L'apparition de Lamourandière l'avait intimidée. Il n'osait plus faire un mouvement. Il était assis à 10 pas sur une pierre, et il commençait à esquisser la vache broutant l'herbe et la jeune fille qui se présentait de profil, adossée aux poutrelles grises. Aimé sentait le regard attentif de Lamourandière se fixer tantôt sur sa figure, tantôt sur sa poitrine serrée dans un casaquin de molleton, tantôt sur sa jupe noire, dont le vent tiède chiffonnait les plis. De temps à autre, elle s'enhardissait, écoulant un regard oblique vers le chasseur, elle examinait à la dérobée les grands yeux profonds, la bouche sardonique et la fine barbe en pointe de Lamourandière. Peu à peu, elle reprenait de l'aplomb. La réflexion lui revenait. Elle se sentait piquée et mortifiée du sans-gêne avec lequel le jeune homme l'avait interpellée et la faisait poser. Évidemment, il n'avait vu en elle qu'une paysanne semblable aux servantes de la ferme. Elle lui en voulait de n'être pas plus perspicace, et le sang lui montait aux joues à la pensée que ce garçon, qui appartenait à un monde où elle-même avait été élevée, s'était si facilement trompé sur son compte. Lamourandière venait de donner les derniers coups de crayon. « Là, » dit-il en reculant un peu la tête pour examiner son croquis, « je crois que c'est assez bienvenu. Repose-toi, petite. » La sagesse insinuait à Aimé que le mieux était de prendre la longe de Brindelet et de s'éloigner sans desserrer les lèvres. Mais en même temps, un secret démon lui soufflait d'autres conseils plus attrayants et plus aventureux. Une idée malicieuse avait traversé le cerveau de la jeune fille. Elle quitta lestement sa place et passant derrière le chasseur. « Peut-on voir ? » demanda-t-elle audacieusement. Il parut un peu surpris de la question et aussi du joli timbre de voix de son modèle. Néanmoins, il acquiesça à la demande et présentant l'album, il ajouta d'un ton gouailleur qui acheva de piquer André. « Voilà. » Est-ce assez ressemblant ? Elle pencha sa tête presque contre l'épaule de Lamourandière, fit une légère moue et répondit du bout des lèvres. « C'est exact, mais votre vache n'est pas d'aplomb. »« Hein ? » s'exclama-t-il stupéfait en la regardant des pieds à la tête. « Et puis ?» continua la jeune fille avec un demi-sourire qui retroussait les coins de ses lèvres, « elle n'a pas l'air de brouter. On croirait plutôt qu'elle appuie ses naseaux contre terre pour se tenir en équilibre parce que ses jambes ne sont pas assez solides pour la porter. » « C'est ma foi vrai, il y a de ça. » Soupira Lamourandière en étudiant son croquis d'un air déconfit. « Ah ça, vous avez donc appris le dessin, la belle enfant ?»« Oui, un peu. » »« Où ? À Aubrive ?»« Non, à Paris, à Notre-Dame-des-Arts, où j'étais en pension. »« À Paris, en pension. » Répéta Lamourandière émerveillée. « Mais alors, nous nageons en plein conte de fées. Vous êtes donc une fausse paysanne ?»« Non pas. Je suis une paysanne pour tout de bon. » répliqua-t-elle en riant. J'habite maintenant chez mon grand-oncle, qui est simplement coupeur au bois, comme je suis simplement la gardienne de Brindelet que voici et que je vais ramener chez nous, si vous le permettez. » Elle fit une révérence ironique et voulut s'éloigner, mais il la retint très familièrement par la main. « Non, restez encore un peu. Brindelet est occupé sérieusement et moi j'ai des excuses à vous faire. Je n'aurais pas dû me tromper aussi lourdement. Il est évident que vous ne ressemblez en rien aux filles du pays. » « Vous devez vous ennuyer prodigieusement ici. »« Moi, pas du tout. Je m'occupe des bêtes et du ménage de mon grand-oncle. et puis je m'intéresse aux arbres, aux oiseaux, à toutes les choses de la forêt. C'est égal, c'est bizarre, murmura-t-il. En même temps, il regardait la figure originale et charmante d'Aimé, ses yeux verts à l'expression passionnée, son teint mat, le sourire de ses lèvres rouges. Une curiosité fort naturelle, mélangée d'un sentiment d'une nature plus vive et moins innocente, venait de s'éveiller en lui. Cet examen silencieux troublait la jeune fille. Elle rougit, s'élança vers la bâche, et l'emmenant cette fois résolument, « Il est tard, il faut que je m'en aille. » Et, demanda-t-il, « Vous venez tous les jours ici avec Brindelet ?»« Oui, tous les jours, quand il fait beau. »« Bonsoir, monsieur. » Elle s'éloigna d'un bon pas, entraînant la bâche derrière elle. Quant à la Morandière, il resta près de la chaussée, regardant la jeune fille fuir le long des lisières brumeuses. Il trouvait l'aventure amusante et se promettait de nouer plus ample connaissance avec cette singulière paysanne. Le plus curieux, c'est que le soir, à la ferme, il ne souffla pas mot de sa rencontre. Il ne se souciait pas d'exposer Aimé aux commentaires équivoques de ses compagnons de chasse. Et puis, en égoïste, il n'était pas fâché de bénéficier seul de ce qu'il appelait plaisamment sa bonne fortune. Aimé rentra, assez confuse, mais non mécontente de son aventure. Elle se reprochait, il est vrai, d'avoir fort mal tenu la promesse qu'elle avait faite à Finoël, de fuir toute occasion de causer avec les chasseurs. Mais celui qu'elle avait rencontré ressemblait si peu aux autres. Pendant toute la nuit, elle revit les traits fins et spirituels de la Morandière, ses mouvements pleins d'une grâce nonchalante. Elle se rappelait le son de sa voix railleuse, et elle se répétait les mots qu'il l'avait dit. Pendant 2 jours néanmoins, elle se tint renfermée au logis. Mais le 3e jour, le soleil luisait. Bradley s'ennuyait à l'étable. Aimé trouva 100 bonnes raisons pour sortir, et la première personne qu'elle rencontra dans la prairie, ce fut la Morandière. Elle y rencontra plus d'une fois. La pauvre enfant cédait inconsciemment à ce besoin d'aimer et de s'attacher que les filles des Finoël se transmettaient dans le sang comme un héritage. De même que son aïeule Sylvine, de même que sa mère la comédienne, elle ne savait ni raisonner ni calculer. Elle aimait ou haïssait de prime saut. La colère, l'antipathie, la tendresse lui venaient par impulsion violente et irrésistible. La Morandière la séduisait par son grand air, son regard caressant, et surtout par son esprit vif, aimable, délié, où perçait une fine pointe d'excentricité. Il ne lui faisait pas la cour à proprement parler. Il était même moins galant avec elle et moins empressé que ne l'est d'ordinaire un homme de 30 ans vis-à-vis d'une jeune fille aussi naïvement expansive qu'aimée. Mais il gagnait son cœur à l'aide de ces mêmes filtres dont Othello s'était jadis servi pour charmer Desdémone. Comme le mort de Venise, il lui contait ses voyages. Il avait de la verve, de l'humour et une sorte d'éloquence capiteuse qui donnait un attrait captivant à ses récits. Il décrivait à Aimé ses courses nombreuses à travers le Liban, ses haltes dans le désert, les nuits lumineuses de l'Égypte, les villes orientales découpant sur un ciel d'un bleu intense leurs terrasses blanches et leurs minarets frêles et sveltes comme de grands lys. Ses narrations, entrecoupées de mots drôles, dramatisées par les gestes amusants et la physionomie expressive du conteur, jetaient l'âme enthousiaste de la jeune fille dans des émerveillements infinis. Tout ce qu'elle avait de sang sauvage et fougueux fermentait. Son humeur vagabonde était surexcitée. Ses yeux agrandis par l'émotion s'attachaient aux lèvres souriantes de la Morandière, et elle buvait ses paroles comme une liqueur enchantée. Lui, ravi de son succès de conteur, redoublait d'entrain et d'humour. Elle le quittait, fasciné et enfiévré. La nuit, elle rêvait de son charmeur. Le matin, quand elle se levait, elle se sentait joyeuse ou triste, selon qu'elle espérait ou désespérait de le voir. Du reste, les jours où elle ne le rencontrait pas étaient rares. La Morandière venait très exactement au rendez-vous qu'elle lui assignait ingénument, tantôt sous la chaussée de l'ancien étang, tantôt à la source des moulineaux. Cette fille demi-paysanne et demi-mondaine l'intéressait. Elle réveillait comme un excitant son imagination nonchalante et fatiguée. Elle lui apportait une sensation de fraîcheur, d'imprévu et de renouveau qui lui redonnait du ton. Il la trouvait à la fois si chaste et si imprudente qu'il se faisait conscience d'abuser de sa candeur et de pousser trop loin les choses. D'ailleurs, il ne se voyait qu'en plein air et en plein jour au milieu des prés, et par un raffinement de gourmet, la Morandière voulait lentement respirer le parfum de ce bouquet d'amour agreste, au lieu d'un effeuillé sautement les fleurs rares. Il avait trop vécu pour ne pas savoir qu'en amour, les premiers chapitres sont le meilleur du poème. Il était de ces délicats qui pensent avec un poète contemporain que le meilleur moment des amours n'est pas quand on a dit « je t'aime », il est dans le silence même, à demi rompu tous les jours. Leurs entrevues étaient innocentes et pourtant on commençait à en jaser. Il est même probable que les choses se seraient gâtées et que Denis Finuel aurait fini par tout apprendre si un incident, facile à prévoir, n'avait brusquement coupé court au rendez-vous dans la prairie. La chasse venait d'être fermée, et la plupart des chasseurs avaient déjà quitté le Val d'Amoret. La Morandière, restée le dernier, n'avait plus de prétexte pour y séjourner, et en outre, ses affaires l'appelaient en ville. Une après-midi du commencement de mars, au moment de souhaiter le bonsoir à Aimé, il murmura de sa voix toujours un peu nonchalante. « Aujourd'hui, ce n'est pas bonsoir qu'il faut nous dire, mais au revoir. Je repars pour Langres cette nuit. » Elle pâlit, et ses yeux devinrent humides. Il vit sa figure altérée et pris d'un remords, il ajouta « Oh, nous nous reverrons bientôt, je serai de retour à Moret pour la saison des chasses. Et puis je demeure tout l'été à la Folie, près d'Augeur. Ce n'est pas loin d'ici, et je compte que vous viendrez m'y faire visite. Vous verrez mon ermitage, et je suis sûr qu'il vous plaira. On se croirait en plein Orient. Promettez-moi d'y venir. » Elle secoua la tête et souriait vaguement pour ne pas pleurer. Il se mit à parler de sa maison de campagne et à la décrire, tout en arrachant des poignées d'herbe qu'il tendait à Brindley, puis il tira sa montre. « Déjà ? » fit-il. « Allons, il est temps de nous dire adieu. Il faut que j'aille boucler ma valise. » Elle s'est élevée et détournée la tête pour cacher son émotion. « Nous avons passé de bonnes heures dans ce coin de forêt, » reprit-il. « Je ne les oublierai de longtemps. Au revoir, Aimé. » Elle essaya de parler, mais le chagrin lui serrait la gorge, et elle ne répondit que par un sanglot. Il se sentit lui-même remué par un soudain mouvement de tendresse. Il saisit les mains de la jeune fille, la tira tout près de lui et lui chuchota presque dans l'oreille. « Cher enfant, vous m'aimiez donc un peu. » Il la serrait plus étroitement contre sa poitrine et commença à n'être plus maître de lui quand un bruit de roues grinçantes retentit dans la route forestière des Moulineaux, accompagné d'éclats de voix et de coups de fouet sonores. La Morandière ne tenait pas à donner au survenant le spectacle de cette scène intime. Il lâcha les mains d'Aimé après avoir effleuré ses cheveux crêplés d'un rapide baiser. « Adieu » répéta-t-il, et il s'éloigna. La jeune fille se rassit sur les pierres du talus, la tête dans les mains, et se mit à pleurer tout à son aise, tandis que Brindley mugissait doucement et que Noiraud, intrigué de ce chagrin violent, mettait ses pattes sur les genoux d'Aimé et lui léchait les bras. Pendant ce temps, une longue benne à charbon, traînée par quatre chevaux, débouchait sur le chemin et le grand Justin, attiré par les meuglements de la bâche, s'approchait d'Aimé. Depuis que Finuel lui avait fait connaître l'inutilité de ses visites à Amoret, le charbonnier n'avait guère revu la jeune fille. En l'apercevant tout à coup sur le bord du talus, dans cette attitude désolée, il ne put prendre sur lui de passer sans lui parler. « Bonsoir, mademoiselle Aimé. » dit-il timidement. « Vous avez donc du chagrin ?»« Bonsoir, » répondit-elle d'une voix sourde, en relevant la tête et en essuyant précipitamment ses yeux. « Ce n'est rien, cela passera. » Il restait silencieux et troublé devant elle. « Vrai, » reprit-il après un moment, « ça me fait gros au cœur de vous voir pleurer. Ne puis-je vous être utile à quelque chose ?»« Non, Justin, merci, » répliqua-t-elle plus doucement. « Bonsoir donc, mademoiselle Aimée. « Je ne sais pas bien parler, moi. Mais tout de même, je tiens à vous dire que demain, comme aujourd'hui, comme hier, je suis à votre dévotion, et que vous trouverez toujours des amis à la vente. » Puis, sans attendre une réponse, il lança en l'air d'énergiques coups de fouet et courut vers la banne en hélant ses chevaux d'une voix grondeuse. La longue charrette tourna dans les champs du côté de Germaine. À travers ses larmes, Aimée la suivit longtemps encore le long du remblai escarpé de la route. Elle se profilait sur le couchant avec sa haute banne noire, ses quatre chevaux tirant sur les traits, et la svelte silhouette du grand Justin courant en avant et faisant claquer son fouet.